Chapitre 3. Départ pour l'Ariège, mai 2018. Jérémy, habillé, n'attendait plus que le docteur et par-dessus tout son diagnostic. Il tâtait ses poches quand ce dernier apparut. Vous voilà prêt. Oui, docteur. Enfin, si vous le permettez. Permission accordée, soldat. Mais, et j'insiste sur ce point, vous devrez prendre régulièrement votre taux de glycémie, tous les jours. Pendant un mois, vous me ferez un rapport une fois par semaine. Vous devez savoir mieux que personne qu'un choc parfois, et surtout un choc émotionnel, comme celui que vous venez de vivre récemment, peut déclencher un diabète. Plus il est dépisté rapidement, plus il est facile à soigner. Je vous ai apporté ce petit appareil d'un emploi très simplifié. Il plaça l'appareil sur le doigt de Jérémy, appuya et une minuscule goutte de sang perla. L'appareil, au bout de quelques secondes, émit un bip et le résultat s'afficha. Vert. Il était dans la norme. Bleu, ce n'est pas nécessairement inquiétant, reprit le médecin, mais cela arrivera si vous ne vous sustentez pas correctement. Quant au rouge, inutile de vous faire un discours. Serait-il indiscret de vous demander votre destination? Oh, pas du tout. Je vais en Ariège. Mon meilleur ami réside là-bas. C'est la France profonde, comme on dit ici, mais je pense que c'est tout à fait ce qu'il me faut. J'en suis persuadé. Je vous souhaite donc une bonne route, docteur Marchand, et faites attention à vous. Les deux hommes se serrèrent la main chaleureusement. À l'accueil, Jérémy demanda un taxi. 40 minutes plus tard, il poussait la porte d'entrée de sa résidence. Dieu, ce qu'elle semblait vide, grande et froide, sans Cory pour l'accueillir et la peupler de ses chants et de ses rires. Jérémy secoua la tête et fonça à l'étage. Il se déshabilla avec plaisir et passa sous la douche, laissant derrière lui l'odeur de l'hôpital. Une longue douche brûlante, agréable. Il se détendit enfin. Il finissait de se raser lorsqu'il se demanda ce qu'il allait bien pouvoir emmener et pour combien de temps. Il se rhabilla d'un t-shirt et d'un jean noir et jeta un pull en cachemire sur ses épaules. Le mois de mai était encore frais cette année. Le mieux était de rappeler Fred. Il n'allait pas s'encombrer de choses inutiles pour la région. Frédéric décrocha immédiatement. Je me doutais que tu me rappellerais. J'ai demandé à mon père de me remplacer aujourd'hui. Tu n'as pas changé d'avis, j'espère. Ah non, rassure-toi. Dis-moi un peu, je ne sais trop quoi emporter. C'était Cory qui faisait nos bagages quand je me sens un peu dépassé, je l'avoue. Il fait encore très frais ici. Prends quelques bons pulls. Pour le reste, des pantalons de toile, des jeans, des shorts. L'été, par contre, est très chaud. Voilà, c'est simple. Puis, changeant de sujet tout à trac, il demanda: Tu aimes le poisson? Oui, mais quel rapport avec les vêtements? Aucun. Je t'emmènerai pêcher ton dîner, reprit Fred. Alors si tu as des bottes en caoutchouc, n'hésite pas à les prendre également. Quand pars-tu? Jérémy regarda sa montre. Je dois faire le plein de la Jeep Cherokee. La Mercedes de Cory est au garage. Je prépare mes sacs et je dirai dans 2 bonnes heures. Fit Fred, donc vers midi. Tu ne seras pas ici avant 22, voire 23 heures. Avec l'autoroute, cela ne devrait pas prendre autant de temps. Il faudra quand même que tu t'arrêtes pour faire le plein et manger, reprit Fred d'une voix plus autoritaire. Certes, tu as raison. À ce propos, pourrais-tu me donner ton adresse que je la rentre dans le GPS? Ah, entre simplement le code postal 0910 et Orgex. Dès que tu y seras, appelle-moi, je viendrai te chercher. La chèvrerie est hors circuit pour cet engin-là. Et tu risquerais de te retrouver dans le lac. Ok, faisons comme cela et... Fred? Oui? Merci à ton père et à toi. Je ne veux même pas entendre ce genre de sornette. Les vrais amis sont faits pour cela aussi, non? Bien. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ton père? Que tu ne parles pas autant que moi, fit en riant son ami. Nous verrons cela ici. Mais si nous arrivons à lui pêcher quelques belles truites, ce sera le plus heureux des hommes. Jérémy rassembla ses affaires en 2 valises et un sac de sport et se dirigea vers le garage. Un miaulement plaintif l'arrêta. Moustache, s'exclama-t-il. Bon sang, pauvre bête, je t'avais complètement oublié. Cory m'aurait tué. Il se tut et s'accroupit. Le gros matou roux crème n'était plus que l'ombre de lui-même. C'était le chat de sa femme, et depuis qu'elle était partie, il l'avait négligé, à tel point que le pauvre animal était quasiment méconnaissable. Il ne lui donnait à manger que lorsqu'il rentrait, et ces derniers temps, il ne le voyait pratiquement jamais plus. Et pourtant, au début, le petit félin, aussi triste que lui, la cherchait désespérément dans toute la propriété, en miaulant lamentablement. Lorsqu'épuisé, il rentrait, il se couchait tout contre lui, lui prodiguant du réconfort. Et il se sentit de plus en plus honteux envers lui. Non, il ne pourrait pas l'abandonner à nouveau à son triste sort. Et il ressortit son téléphone et pour la troisième fois en 2 jours, rappela son ami. Ça te dérangerait si j'amenais un autre invité? Lui demanda-t-il. C'est que nous n'avons pas d'autre chambre pour le loger, c'est l'unique problème. Je crois qu'il se contentera de la mienne. Stupéfait, Fred resta muet. Jeremy gloussa et lui donna quelques explications. Il s'agit de moustaches. Tu te souviens de cet énorme greffier presque roux? Bien sûr. J'avoue que tu m'as bien eu. Nous avons 2 chats et des chiens aussi. Rien de plus n'y changera rien. Il sera le bienvenu comme son maître. Merci, Fred. Je te revaudrai tout cela un de ces jours. Inutile, c'est normal. Bon, je te laisse, la traite n'attend pas. Jérémy prit le chat dans ses bras et le déposa sur le plan de travail de la cuisine avant de farfouiller dans les placards. Il lui déposa un peu de lait dans une coupelle et, trouvant des sachets de viande spéciale matou, le servit copieusement. L'animal se jeta littéralement dessus et l'engloutit en un rien de temps. Jérémy se sentit encore un peu plus misérable. Il le caressa et lui dit: Reste ici, je vais chercher ton panier dans le garage. Il dépoussiéra son panier auquel il ajouta une couverture pour le moelleux, ainsi qu'une litière et des boîtes de nourriture. Puis il revint dans sa cuisine. Le chat, comme s'il avait compris, l'attendait sagement couché. Nous allons nous serrer les coudes, mon vieux. Je suis désolé de t'avoir négligé ainsi, cela ne se reproduira plus. Nous partons chez Fred. Là-bas, tu vas être heureux et pouvoir chasser à ta guise, et qui sait, pourras-tu oublier ta chère maîtresse? Dès qu'il eut mis le panier par terre, le chat entra dedans et se coucha en ronronnant. Jérémy le caressa encore une fois, referma le panier et s'empressa de le mettre dans la jeep avec ses bagages. Repose-toi, petit ami, nous avons beaucoup de route à faire, et nous la ferons ensemble cette fois. Le chat leva la tête et émit un faible miaulement, comme s'il comprenait tout ce qu'avait pu lui dire l'humain. Jérémy pensa que les animaux étaient plus empathiques que les humains. Il pardonnait aussi plus facilement. Lorsqu'il fut sur l'autoroute A13, le simple fait de quitter Paris le rassura et le soulagea d'un énorme poids. La circulation était fluide et il put accélérer. 2 heures plus tard, non loin de Rouen, il embrancha la 28 en direction du Mans. Il savait qu'en prenant ce chemin, il se rallongeait, mais il le désirait. Le moteur ronronnait et il commença à ressentir un certain bien-être. Vers 18 heures, il arrivait à proximité de l'île d'Oléron. Il fut tenté de quitter l'autoroute et d'emprunter le pont qui menait à l'île elle-même. Il se souvenait de ce voyage en amoureux avec Cory. La première année de leur mariage, ils ne pouvaient, à cause de leurs métiers respectifs, s'en aller plus loin. Cory avait de grosses responsabilités dans sa banque et lui dans sa clinique. Ils avaient quitté la capitale un vendredi midi et étaient partis à l'aventure. Aventure qui les avait conduits directement sur l'île d'Oléron. Un charmant petit hôtel les accueillit chaleureusement. Ils firent de magnifiques promenades sur les plages, les longues plages de sable blond. Goûtèrent aux huîtres à peine ramenées des parcs par les pêcheurs directement à la barque. Le petit goût d'iode et de noisettes les ravirent. Ils ne firent que se balader. Les 2 nuits furent extatiques et ne s'endormaient qu'au petit matin, épuisés par tant d'amour. Jérémy s'assombrit et jeta un coup d'œil à sa jauge d'essence. Il lui fallait s'arrêter et obéir au docteur Meillant, se sustenter correctement, malgré que le peu d'appétit qu'il avait eu jusque-là eût complètement disparu avec les souvenirs. Moustache ne bougeait pas, L'animal semblait avoir compris que cette fois son maître ne l'abandonnerait plus. Le plein effectué, il mangea un sandwich au goût de papier mâché dans sa voiture. Oui, il aurait dû l'écouter, sa Cory, et qui sait si en ce moment même, ils ne seraient pas tous deux attablés en amoureux dans un des petits restaurants de l'île, ou de ceux qui jalonnaient la route pour rendre visite à Fred. Il ne pouvait hélas retourner en arrière. Il lui faudrait apprendre à vivre sans elle, avec seulement tous ces merveilleux souvenirs. Autant garder les meilleurs. Il se souvint d'un seul coup qu'il avait oublié de prévenir ses parents. Le coup de téléphone fut rapide. Ses géniteurs ne comprenaient pas pourquoi il choisissait de se ressourcer chez son meilleur ami plutôt que chez eux. Et son enfant, il y pensait? Bon sang, bien sûr qu'il y pensait. Il ne pensait même qu'à elle. Mais il devait être fort pour sa princesse et en ce moment, il se sentait plus comme une loque que comme un papa sur lequel elle devrait s'appuyer. Mais autant essayer de faire parler une tortue que d'arriver à faire comprendre tout cela à ses parents. Il avait pourtant essayé, mais rien n'y fit. Il raccrocha enfin, épuisé de nouveau. Il lui fallait laisser derrière lui tous ces mois de stress, de fatigue intense dû à son travail, mais aussi aux disputes incessantes avec Cory, à son obstination à ne rien vouloir lâcher. Il ferait face à tout cela plus tard. Pour le moment, il ne s'en sentait pas capable. Il reprit la route. Il quitta Bordeaux et continua vers Toulouse, la ville rose. Il s'était juré un jour de quitter Paris et de s'y installer lorsqu'il serait vieux. Il se souvint des déceptions répétées de Cory de ne pouvoir être enceinte aussi rapidement qu'il l'avait espéré. Au bout d'un an, on lui avait diagnostiqué sa stérilité, une bombe dans leur vie. Pourtant, ils n'en souffrirent pas autant qu'ils l'auraient cru, tellement ils se suffisaient l'un l'autre. Égoïste? Possible. Mais chacun n'avait-il pas le droit de voir midi à sa porte? Il faisait don de plusieurs milliers d'euros chaque année à des œuvres humanitaires. Compensation? Certains penseront encore que c'était pour se donner bonne conscience et, à y repenser avec du recul, c'était peut-être le cas, effectivement. Puis Cory commença à avoir des nausées matinales. Elle mit ce symptôme sur le compte d'une gastro, mais lorsqu'au bout de quelques jours cela empira, elle fit une prise de sang. Il se rappellerait toujours le fameux soir où il apprit la nouvelle. Il s'attendait à la voir s'affairer dans la cuisine comme tous les soirs, mais il la trouva assise par terre, devant l'âtre, où pétillait allègrement un joli feu. Deux coupes de champagne étaient disposées sur un plateau et la bouteille refroidissait dans un seau à ses côtés. Elle lui souriait et dans ses yeux il y eut tant d'amour qu'il se laissa tomber près d'elle et l'enlaça tendrement. Qu'avons-nous donc à fêter, mon amour? Elle lui prit la main, la déposa délicatement sur son ventre et le fruit de notre amour, enfin. Il l'avait regardée, les yeux écarquillés, incrédule. Elle lui avait alors tendu le résultat de ses analyses. 3 mois! S'était-il exclamé stupéfait. Jérémy, tout à ses pensées, faillit rater l'embranchement après Toulouse. Quelques mois plus tard, il tenait sa jolie petite princesse dans ses bras et pleurait de bonheur. Dieu, qu'il peut être éphémère, ce bonheur! Il se secoua. Le décor changeait. Les collines verdoyantes étaient plus hautes, peuplées de genêts en fleurs. Leur agréable parfum emplissait l'habitacle du véhicule. Cela changeait des pots d'échappement parisiens. Bientôt, l'autoroute elle-même fit des lacets, et sur sa droite, après des champs de tournesol pas encore fleuris, un joli moulin rouge apparut, ainsi qu'un panneau routier, lui apprenant qu'il roulait désormais sur l'Ariégeoise. Et d'un coup, d'un seul, au loin, la chaîne des Pyrénées, avec ses hauts sommets encore couronnés de neige, resplendit devant ses yeux fatigués dans les derniers rayons du soleil couchant. Quelle beauté, songea-t-il. Peu à peu, il s'apaisait. Le ciel s'assombrissait. Il arriva à proximité deux fois vers 21 heures. Il lui aurait été facile de contourner la ville en empruntant le tunnel, mais féru d'histoire depuis sa plus tendre enfance, et surtout de cette histoire-là, il ne put s'empêcher de sortir de la route rapide et de descendre vers la cité des contes de fées. Dans la lueur orangée du coucher de soleil, lui apparut, sis sur un piton rocheux qui dominait la ville, toute la splendeur du château de Gaston Phoebus. Comme une sentinelle, il veillait sur ces lieux depuis des centaines d'années, sans qu'aucune force ne l'ait abîmé, comme beaucoup d'autres en ruine dans la région. Fabuleux, pensa Jérémie, vraiment fabuleux. Le soleil d'un coup passa la montagne et la nuit commença à tomber. Lentement, il sortit de la petite ville et reprit la route rapide menant vers Tarascon d'abord et ensuite vers son but ultime. Il lui resta approximativement une quarantaine de kilomètres et il commença à sentir la fatigue. La nuit s'était installée, calme, paisible. Commença alors une lente ascension avec de petits virages qui virevoltaient au travers des prémices montagneux. Il longea ainsi un impétueux torrent qui dévalait gracieusement et chantait, tout en descendant guilleret vers d'autres villages. Puis ce fut Luznac, où il passa devant la dernière carrière de talc d'Europe. Il ne vit hélas que peu de choses, la nuit étant bien noire désormais, mais il se promit d'aller la visiter prochainement. Finalement, il traversa la bourgade d'Ax-les-Thermes, silencieuse et tranquille, pour bifurquer dès sa sortie sur une route sinueuse qui le mena directement à Orgex. Il en distingua dans la lueur de ses phares le lac, puis un peu plus loin entra dans le village lui-même. Il ralentit et bifurqua in extremis pour se retrouver sur une minuscule place. Il se gara sagement et dans un soupir de satisfaction baissa sa vitre et respira l'air vif et pur à plein poumon. Bon sang, ce qu'il faisait noir. L'éclairage était réduit à son strict nécessaire. Ils auraient mieux fait de copier ce système sur Paris, se dit-il. Mais Paris était une grande cité autrement plus dangereuse que ce petit village. Il sortit enfin son téléphone et appela son ami qui répondit aussitôt. 22 heures, je suis là. Oh, je le vois bien. Comment ça? Retourne-toi. Fred s'approchait. Il était garé à 2 mètres de lui. Je te connais si bien, mon vieux. Tu dois être fatigué. Harassé serait plus juste. Jérémy sortit de la Jeep et les deux amis tombèrent dans les bras l'un de l'autre en une affectueuse accolade. Tu es en un seul morceau et c'est tout ce qui compte pour le moment. Tu dois avoir faim aussi. Pas vraiment. Attends un peu de voir et surtout de humer le fumet du ragoût de mouton de papa. Je suis certain que tu t'en resserviras. Allez, en route. Il ne reste que quelques centaines de mètres. Jérémy suivit docilement la petite Jeep poussiéreuse de Fred. Ils empruntèrent un chemin de terre et de rocailles qui les conduisit tout droit à une espèce de longère, comme il y en avait tant en Normandie, sauf que celle-ci était couverte de lauzes, ardoises de la région. Ici, on appelait la maison l'Oustal. Une lueur jaune traversait les rideaux d'une minuscule fenêtre. Sitôt les deux véhicules arrêtés que la porte s'ouvrit sur un vieil homme trapu. Fred s'avança et fit les présentations. Voici mon père, Anthelme. Bonsoir, monsieur. Je suis désolé de m'imposer à vous comme cela, si jamais je vous dérange. Il est têtu, ton ami, dit le vieil homme en lui tendant une main franche. Non seulement il la lui broya avec une force peu commune pour un homme de son âge, mais il l'embrassa comme s'il avait été son propre fils. Vous êtes le bienvenu, Jérémy. Merci beaucoup, monsieur. Oh, pas de monsieur qui tienne. Moi, c'est Anthelme, ou père Anthelme. Il se régala littéralement et reprit même une deuxième portion, ce qui ravit le vieux montagnard. Moustache, que l'on avait prudemment lâché dans l'Oustal, fit connaissance avec les deux autres chats de la maison. L'un, d'un beau noir de jais et âgé d'une vingtaine d'années, finissait tranquillement sa belle vie, soit devant la cheminée l'hiver, soit sur le pas de la porte en plein soleil le reste de l'année. Il ne fit aucun problème au nouvel arrivant. L'autre était sa fille. Elle accepta de bonne grâce ce nouveau soupirant, en se frottant contre lui, minaudant, comme si son promis était enfin revenu. Drôle, fit le vieil Anthelme en occitan. Il fit comme son maître et se régala de quelques bons morceaux de viande généreusement distribués. Pendant les quelques heures qui suivirent, les questions fusèrent de part et d'autre. Il y avait tant à se raconter. Enfin, fatigué par cette longue journée de labeur, Anthelme alla se coucher. Les deux amis continuèrent encore pendant quelques heures à se remémorer aussi bien les bons que les mauvais souvenirs, jusqu'à ce que Fred s'aperçut que son ami tombait littéralement de sommeil. Jérémy lui demanda: Puis-je te prendre un grand verre d'eau? J'ai quelques comprimés à avaler. Et ils sont pour quoi faire, ces médocs? Pour dormir. Ah, ici, tu n'en auras aucunement besoin, fais-moi confiance. Ils allèrent chercher les bagages dans la Jeep de Jérémy. Sa chambre était au premier abord austère, comme les occupants de la maison. Toutefois, au mur, un grand bouquet de fleurs des champs séchés mettait de la couleur. Une table de toilette à l'ancienne, avec son miroir tout piqué et son service en porcelaine, donnait un certain cachet à la pièce. Quant à l'immense lit en bois massif sculpté, doublé de son matelas en laine, il aurait fallu au moins quatre hommes bodybuildés pour le soulever. Cette chambre était chaleureuse et il s'y sentit bien. Ses paupières s'alourdirent et il ressentit un tel épuisement qu'il n'eut bientôt plus qu'une seule envie, se faufiler entre les draps et dormir. Pendant un instant, il se demanda qui pouvait bien se coller ainsi contre son flanc. Puis sa main rencontra une douce et chaude fourrure. Moustache reprenait lui aussi ses vieilles habitudes et c'est avec un léger sourire sur les lèvres qu'il sombra enfin dans un lourd sommeil, en paix avec lui-même pour la première fois depuis plus de 3 longs mois.